الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، La louange est à Dieu, Seigneur des univers. Wa salatu wa salamu ala amir al-anbiya wa imam al-mursalin, et que les prières et les salutations soient sur l'émir des prophètes et l'imam des envoyés. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa li salihin. Et j'atteste qu'il n'y a aucune divinité à part Dieu, tuteur des vertueux. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله الصادق الأمين. Et j'atteste que notre maître et bien-aimé Muhammad est l'envoyé de Dieu sincère et véridique. أيها الإخوة والأخوات في الدين, mes frères, mes sœurs dans la religion, نتابع دروسنا في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Nous allons poursuivre nos cours de biographie du prophète, prière et salut sur lui, مع الدرس الرابع والثلاثين, avec le cours numéro 34. فارق الخزرجيون الستة مكة وعلى رأسهم أسعد بن زرارة رضي الله عنهم أجمعين. Donc le groupe خزرجيت, composé de six, et à leur tête, il y avait As'ad, fils de Zurara, que Dieu soit satisfait de tout le monde, ont quitté la Mecque. وعادوا إلى المدينة مؤمنين مسلمين. Et ils sont revenus à Médine en tant que croyants et musulmans. فلما وصلوا إلى ديارهم ذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقومهم. À leur retour chez eux, ils ont parlé ou ils ont cité le messager de Dieu, prière et sagesse, à leurs proches et à leur peuple. ودعوهم إلى الإسلام, et ils les ont invités à l'islam. فلم يبقى دار من دور المدينة إلا وفيها ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Et par la suite, il n'y avait pas une maison parmi les maisons de Médine qui n'a pas parlé ou entendu le messager de Dieu, prière et salut sur lui, ou l'information du messager de Dieu, prière et salut sur lui. وفي موسم الحج من السنة الثانية عشر, et à la saison du pèlerinage de l'année prochaine, l'année 12, جاء وفد من الأنصار يضم 12 رجلا. Il y avait une délégation qui a accompagné les pèlerins de Médine, une délégation musulmane composé de 12 personnes, min al-Aws wal-Khazraj, composé des gens de al-Aws et des gens de al-Khazraj. Min baynihim As'ad ibn Zurar radiyallahu anhu wa Ubad ibn Samit radiyallahu anhu. Parmi eux, il y avait, parmi ces 12, il y avait toujours As'ad, fils de Zurara, que Dieu soit satisfait de lui, et Ubada, fils de Samit, que Dieu soit satisfait de lui. فلقوه بالعقبة, ils se sont réunis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam toujours au même lieu qui s'appelle العقبة, وبايعوه بيعة العقبة الأولى, et ils ont fait allégeance à lui, ou ils lui ont fait allégeance, et c'était la première allégeance qui s'appelle l'allégeance d'العقبة première. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, le messager de Dieu, prière et sagesse, leur dit, بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا. Faites-moi allégeance de ne rien associer à Dieu, c'est-à-dire comme divinité. ولا تسرقوا, et de ne pas voler. ولا تزنوا, et de ne pas forniquer. ولا تقتلوا أولادكم, et de ne pas tuer vos enfants. ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم, et de ne pas inventer un mensonge entre vos mains ou vos pieds. ولا تعصوني في معروف, et de ne pas me désobéir dans un bien que je vous demande. فمن وفى منكم فأجره على الله. Celui qui va respecter à la lettre ce que je vous dis, son salaire se trouve auprès de Dieu. ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له, et celui qui va faire le contraire ou qui va commettre une erreur parmi ce que je viens d'interdire, et dans le cas où il est sanctionné dans ce bas monde pour sa faute, ça va être une expiation pour lui. وَمَنْ أَصَابَ ذَلِكَ شَيْئًا وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَسَتَرَهُ اللَّهُ. Mais celui qui va commettre l'erreur et Dieu ne va pas le dévoiler, فَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهُ. Sa décision revient à Dieu subhanahu wa ta'ala. إِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ وَإِنْ شَاءَ عَفَ عَنْهُ. Dans le cas où il veut, il le sanctionne, ou dans le cas où il le veut, il le pardonne. C'est-à-dire dans le jour de la résurrection. فَبَايَعُوهُ عَلَى ذَلِكَ. Et ils ont fait, et lui ont fait allégeance pour ces points cités dans cette, dans ce que je viens de dire. رَوَاهُ الْبُخَارِي, rapporté par l'imam al-Bukhari. وَبَعْدَ نِهَيَةِ الْحَجِ, après la fin du pèlerinage, أَرْسَلَ مَعَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أَوَّلَ سَفِيرٍ لِلْإِسْلَامِ فِي الْمَدِينَةِ. Après la fin du pèlerinage, le prophète, prière et salut sur lui, a envoyé avec ce groupe le premier ambassadeur d'islam à Médine, وهو الشاب مصعب ابن عمير رضي الله عنه. Et l'ambassadeur était le jeune Mus'ab, fils de Umayr, que Dieu soit satisfait de lui. وقد ذكرنا قصته في الدرس الخامس والعشرين. Et nous avons souligné son histoire, l'histoire de Mus'ab, dans le cours 25. وأمره أن يعلمهم الإسلام. Il lui a demandé de leur enseigner l'islam. ويقرئهم القرآن. Et de leur réciter, de leur enseigner aussi le Coran. ويفقههم في الدين. Et de leur expliquer la religion. فكان يسمى المقرئ بالمدينة. Et on l'appelait المقرئ ou bien l'enseignant à Médine. وسكن مع أسعد ابن زرارة رضي الله عنه. Il a été hébergé par son frère médinois Asad, fils de Zurara. Que Dieu soit satisfait de lui. يدعو الناس إلى الإسلام. Il invitait les gens à l'islam. ويصلي بالمسلمين. Et il dirigeait les prières des musulmans. وانتشر الإسلام بسرعة في المدينة. Et l'islam s'est propagé à grande vitesse à Médine. C'était le contraire de ce qui a eu lieu dans la Mecque. كان الرجل يأتي حاملا حربته يريد قتل مصعب. L'homme médinois venait vers Mus'ab avec sa lance dans la main, avec son arme dans la main, et il cherchait à tuer Mus'ab. فيكلمه مصعب. Et Mus'ab lui parlait. اجلس, assis-toi. واستمع. Et écoute mes paroles. فإن رضيت أمرا قبلته. Dans le cas où tu agrées ma parole, tu vas l'accepter. وَإِنْ كَرِهْتَهُ كُفَّ عَنْكَ مَا تَكْرَحُ. Et dans le cas où tu refuses ou tu détestes ma parole, on va t'épargner de mes dires. فَيَقُولُ الرَّجُلُ أَنْصَفْتَ ثُمَّ يَجْلِسُ. Et l'homme disait à Mus'ab, ce que tu dis est logique et juste. Et après il prenait place devant lui. فَيَتْلُ عَلَيْهِ مُصْعَبْ الْقُرْآنِ. Et Mus'ab récitait devant lui le Coran. فَيُشْرِقُ وَجْهُ الرَّجُلِ. Et le visage de l'homme s'éclairait ou s'illuminait. فَيَقُولُ مَا أَحْسَنْ هَذَا الْكَلَامُ وَأَجْمَلَهُ. Et l'homme disait combien cette parole est belle et jolie. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ. Et après il formule cette attestation. J'atteste qu'il n'y a aucune divinité à part Allah et j'atteste que Mohammed est le messager de Dieu. من بين الذين أسلموا على يد مصعب. Parmi les gens qui se sont convertis à l'islam grâce à Mus'ab et devant Mus'ab, قائدين من قادة المدينة. Deux parmi les dirigeants de Médine, Usayd ibn Hudayr wa Sa'd ibn Mu'ad رضي الله عنهما. Il y avait Usayd, fils de Hudayr, et Sa'd, fils de Mu'ad, que Dieu soit satisfait des deux. وانتشر الإسلام في المدينة بنور القرآن الذي وصل إلى القلوب. Et l'islam s'est bien propagé dans toute la ville de Médine grâce à la lumière coranique qui a touché ou qui a pu toucher les cœurs. L'islam s'est propagé à Médine, la première base d'islam, pas par la contrainte ou par la violence ou par l'épée, comme on dit aujourd'hui. Aslam al-nas bihurriya wa qana'a. Les gens se sont convertis à l'islam. Les gens sont entrés en islam avec toute liberté et avec conviction. Et non pas par la force ou par la contrainte. Un seul jeune, Mus'ab ibn Umayr, radiallahu anhu, Mus'ab fils de Umayr, que Dieu soit satisfait de lui, aslama ala yadihi mu'dam sukan al-Madina al-Munawwara. Grâce à lui, la majorité des habitants de Médine ont embrassé l'islam. Wa fi sana al-qadima, as-sana al-thalitha 10, wa qabla al-hajj, l'année prochaine, c'est-à-dire l'année 13, et avant la saison du pèlerinage, ada Mus'ab ila Mecca. يبشر النبي صلى الله عليه وسلم بالنصر الكبير. Mus'ab est revenu juste avant la saison du pèlerinage, l'année 13, revenu vers la Mecque pour annoncer cette bonne nouvelle au prophète صلى الله عليه وسلم et pour lui annoncer cette grande victoire. وقال أهل المدينة, les Médinois ont dit, حتى متى نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف ويطرد في جبال مكة ويخاف. Les Médinois, avant la saison du pèlerinage, ont dit, jusqu'à quand allons-nous laisser le prophète de Dieu parcourir les montagnes de la Mecque et être chassé de la part des associateurs et en étant effrayé. فخرج للحج في تلك السنة 70 رجلا وامرأة واحدة. Et pendant cette saison du pèlerinage, il y a eu une délégation musulmane composée de 70 hommes et d'une femme qui a accompagné les pèlerins associateurs de Médine. يعني كان وفد متكون من 70 رجل وامرأة رافق الحجاج المشركين من الذاهبين إلى مكة من المدينة. والمرأة تسمى نسيبة بنت كعب أو أم عمارة رضي الله عنها. La cette femme qui était dans cette délégation s'appelait Nusayba, fille de Ka'b, ou bien la mère de Umar, Umm Umar, que Dieu soit satisfait d'elle. Wa fi riwaya kana 'adad al-muslimin aw 'adad al-muslimin fi dhalika al-wafd 73 aw 73 rajulan wa imra'atan. Dans une autre version, le nombre de musulmans qui composait la délégation, qui se trouvait dans la délégation, était de 73 à la place de 70, avec deux femmes à la place d'une. وَالْتَقَوْا بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بِالْعَقَبَ. Et ils ont rencontré le prophète, prière et sa toujours au même lieu qui s'appelle Al-Aqaba. وَذَلِكَ فِي الثُّلُثِ بَعْدَ الثُّلُثِ بَعْدَ ثُلُثِ اللَّيْلِ. Et c'était après le rencontre avec le prophète sallam a eu lieu après le premier tiers de la nuit dans une grande discrétion. Et ils lui ont fait allégeance, c'est-à-dire la deuxième allégeance d'Al-Aqaba. Avant l'allégeance, Al-Abbas, l'oncle du prophète, prière et sage sur lui, a pris la parole. Et il était toujours sur la religion de ses ancêtres, ça veut dire associateur. Il leur dit, au ensemble de Khazrajites, c'est-à-dire les Khazraj et les Aous. Inna Muhammadan minna haythu qad alimtum. Vous connaissez la place de Muhammad, prière et sage sur lui, auprès de nous. وقد منعناهم من قومنا. Nous lui avons assuré une protection contre notre peuple. فهو في عز من قومه ومنع في بلده. Il vit bien dans un grand honneur chez lui, ça veut dire dans la Mecque, et il est bien protégé dans son pays. وإنه قد أبى illa al-inhiyaz ilaykum. Mais malgré cela, il a voulu partir avec vous. فإن كنتم ترون أنكم موافون له بما دعوتموه إليه ومانعوه ممن خالفه. Dans le cas où vous pensez que vous allez honorer votre promesse à lui, comme quoi vous allez le protéger contre ses opposants, فأنتم وما تحملتم من ذلك. C'est bon, dans ce cas c'est bon. وإن كنتم ترون أنكم مسلموه بعد الخروج به إليكم فمن الآن فدعوه. Mais dans le cas où vous pensez que vous allez le livrer à ses ennemis, une fois qu'il sort avec vous, laissez-le, ne le prenez pas. Laissez-le avec nous. فإنه في عز ومنعة من قومه وبلده. Parce qu'il est en, il vit dans un grand honneur et dans une grande protection. C'est-à-dire ici dans la Mecque. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Par la suite, le messager de Dieu a pris la parole et a dit « Tubayyiruni, vous allez me faire allégeance « Al-sam'i wa ta'a fin nashadi wa al-kasal » Takhayyel, un nabi yatakallam ma'aka ant wa yatlub minka al-bay'a ant wa hada al-hasul asl kul muslim yubay'a un nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et imagine maintenant avec moi que le prophète, prière et sachet, est en train de s'adresser à toi pour te dire ces choses-là. Et regarde combien tu vas respecter, ou combien tu as respecté ces choses dans le passé, ou maintenant dans l'avenir. Vous allez me faire allégeance d'obéissance dans le cas d'activité ou d'inactivité. Ça veut dire dans le cas où vous êtes en activité ou dans le cas où vous êtes en paresse, inactivité. Wa ala nafaqa في العسر واليسر لما يكون عندكم ومن اللي ما يكونش عندكم تنفقوا في سبيل الله. Et de la même manière, vous allez me faire allégeance pour la dépense dans la voie de Dieu en cas de crise ou en cas de prospérité, en cas de facilité financière ou en cas de difficulté financière. Vous devez dépenser dans la voie de Dieu. وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. Et vous allez me faire allégeance pour le fait suivant, c'est que vous allez ordonner le bien autour de vous et vous allez interdire le mal ou bien le blâmable. وعلى أن تقوموا في الله لا تأخذكم في الله لومة لائم. Et la, l'autre chose, c'est que vous devez vous lever pour Dieu sans craindre en lui les reproches qu'on puisse vous faire. وَعَلَىٰ أَن تَنْصُرُونِي إِذَا قَدِمْتُ إِلَيْكُمْ. Et l'autre point, c'est que vous devez me défendre, vous devez m'assister, vous devez participer ou faire tout pour mon triomphe dans le cas où je viendrai à vous. وَتَمْنَعُونِي مِمَّا تَمْنَعُونَ مِنْهُ أَنفُسَكُمْ وَأَزْوَاجَكُمْ وَأَبْنَاءَكُمْ. Et vous devez me protéger de tout ce que vous, vous protégez vous-même et de ce que vous protégez vos femmes et vos enfants. Et en contrepartie de tout cela, vous aurez le paradis. Rawahu l'imam Ahmad bi isnadin hasan, rapporté par l'imam Ahmad avec une chaîne authentique. Rawahu al-Bayhaqi wal-Hakim, rapporté aussi par al-Bayhaqi et al-Hakim. فأخذ البراء بن معرور يد النبي صلى الله عليه وسلم. البراء fils de معرور, que Dieu soit satisfait de lui, a saisi la main du prophète صلى الله عليه وسلم وقال ايدي نعم oui. فوالذي بعثك بالحق, par celui qui t'a envoyé par la vérité, لنمنع عنك مما نمنع منه عذرا يعني انفسنا وازواجنا. On va te défendre contre tout ce qu'on défend pour lui, nos draps, et les draps pour les Arabes signifient les personnes et nos femmes. On va te défendre contre la chose pour laquelle on défend nos personnes et nos femmes. Fabayana ya Rasulallah. Donc accepte notre allégeance au messager de Dieu. Fanahnu wallahi abna ul furub. Par Dieu le Très-Haut, on est les enfants des guerres. Nous avons hérité de cela, seigneur après seigneur. فقال أبو الهيثم ابن التيهان. يا ابو الهيثم فيس دو التيهان دي سمومولا يا رسول الله او ميساجي دو ديو ان بيننا وبين الرجال يا entre nous et les hommes يعني يهود il signifie par là les juifs حبال on a des liens d'alliance entre nous et eux وإنا لقاطعوها et nous allons les couper ça veut dire ces liens فهل عسيت ان فعلنا ذلك ثم اظهرك الله ان ترجع الى قومك وتدعنا est-ce que dans le cas où si on coupe ces liens et par la suite Dieu t'apporte sa victoire est-ce que tu vas revenir chez ton peuple ça veut dire les Mécois et tu vas nous abandonner قال فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم et le messager de Dieu prière et sagesse a souri ثم قال et après il a dit بل الدم الدم والهدم الهدم هذه الكلمة دم الدم يعني دم دمكم وما تفعلونه أفعله يشرحها في الكلام الذي يأتي أنا منكم وأنتم مني je fais partie de vous et vous faites partie de moi أحارب من حاربتم je vais combattre celui que vous combattez وأسالم من سالمتم et je pacifie celui que vous pacifiez. وأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا منهم 12 نقيبا. Le prophète prière et sagesse leur a demandé de désigner 12 chefs, 12 naqibs. يكونون على قومهم بما فيهم qui seront responsables de leur peuple lorsqu'ils vont revenir à Médine. فأخرجوا منهم النقباء et ils ont désigné les chefs. 9 من الخزرج الخزرج 9 parmi les خزرجيتes و 3 من الأوس et 3 parmi les أوسيتes وفي آخر اللقاء يا la fin de la rencontre قال العباس ابن عبادة واحد من الأنصار العباس fils de عبادة l'un des Médinois dit والله الذي بعثك بالحق إن شئت لنميلن على أهل من غدا بأسيافنا لماذا ننتظر يا رسول الله يعني من الغد سنميل على الكفار بسيوفنا ce Abbas fils de Ubada dit au messager de Dieu prière et sagesse par Dieu le très haut par celui qui t'a envoyé par la vérité si tu veux dès demain nous allons attaquer les gens de Minan ça veut dire les associateurs avec nos épées فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم et le messager de Dieu prière et sagesse a répondu لم نؤمر بذلك on n'a pas reçu cet ordre c'est-à-dire de la part de Dieu Dieu nous a pas donné cette autorisation ولكن ارجعوا الى رحالكم mais plutôt revenez à vos lieux de comment dire ou à vos lits pour dormir وفي الغد ذهب زعماء مكة الى مشرك المدينة le lendemain Les chefs mécois sont partis voir les chefs médinois, les associateurs, et leur dire « Ya ma'char al-Khazraj » aux habitants de Médine. « Balagana » يعني « Wasal al-Khabar »« Masar fin layl wasal al-Kuffar bin Nahar »« Balagana annakum j'i'tum ila sahibin » On a été informés comme quoi vous êtes venus. Pour notre ami, pour voir notre ami, ça veut dire Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'était leur ennemi, mais ils disent notre ami. Tastakhrijunahu min baynina, min bayni adhurina, pour le faire sortir de chez nous, pour le prendre chez vous à Médine. Wa tubayyunahu ala harbina, et vous lui avez fait allégeance pour notre guerre. Wa innahu wallahi, ma min hayyin min al-arab. أبغض إلينا من أن تنشب الحرب بيننا وبينهم منكم et le peuple le plus qu'on déteste le plus de lui faire la guerre c'est vous c'est-à-dire parmi toutes les tribus arabes فأقسم مشرك المدينة بالله ما كان من شيء et les associateurs médinois qui n'étaient pas au courant de ce qui a eu lieu dans la nuit ils ont juré par Dieu comme quoi il n'y avait rien et comme quoi ils ne sont au courant de rien وما علمنا ومسلم المدينة واقفين ينظر بعضهم لبعض في سكوت وفي صمت et les musulmans médinois étaient avec eux ils gardaient les silences et chacun regardait l'autre ورجع قادة مكة مصدقين les dirigeants mécois les associateurs sont revenus vers la Mecque en ayant cru à la version donnée par les associateurs médinois, ça veut dire qu'il n'y avait rien pendant la nuit. Mais après recherche approfondie, ils se sont assurés de l'information. Comme quoi le prophète a prié et s'instruit, a vu pendant la nuit les gens de Médine. وكان الحجيج قد بدأوا العودة إلى أوطانهم. Mais à ce moment-là, les pèlerins ont déjà commencé le voyage du retour vers leur pays. فسارع فرسان مكة لمطاردة الخزرج. Et les cavaliers mécois se sont précipités pour suivre à la poursuite les Khazrajites. ولكن بعد فوات الأوان, mais c'était trop tard. فقبضوا فقط على سعد ibn Ubadah radiyallahu anhu, et ils ont ils ont emprisonné uniquement Sa'd, fils de Ubadah, que Dieu soit satisfait de lui. Farabatu yaday, ils ont attaché ses mains. Wa darabu, ils l'ont frappé. Wa jarruhu ila Makkah, et ils l'ont entraîné vers la Mecque, où ils l'ont tiré vers la Mecque. Faja' al-Mut'im ibn Adi alladhi kana yujir an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, et le grand al-Mut'im, fils de Adi, qui protégeait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est venu, ou al-Harith ibn Harb, accompagné de al-Harith, fils de Harb, fakhallasa, et ils l'ont libéré, li'anna Sa'dan kana yujiru qawafilahuma bil Madina, parce que Sa'd, fils de Ubadah, que Dieu soit satisfait de lui, assurait la protection de leur caravane à Médine, lorsque leur caravane de commerce traversait Médine vers le nord ou dans leur retour. Wal-an, maintenant, je vais faire quelques remarques. La première remarque. بقدري ما كان مشرك قريش يكرهون رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدري ما أحب الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم. Plus les associateurs mécois détestaient le messager de Dieu, prière et sagerie, plus les Ansars, les habitants de Médine, les Haoussites et les Khazrajites, qu'on appelle les Ansars, plus les Ansars aimaient le prophète, prière et sagesse sur lui. C'était l'opposition. Et ils étaient sincères, les Ansars étaient sincères dans leur allégeance. Et ils l'ont respecté, ils l'ont honoré pendant toute leur vie. Juste après 2 ans de cette allégeance, plus de 50 du nombre total, 70 qui ont prêté allégeance au prophète sallam, ont participé à la première bataille de l'islam contre la mécréance, la bataille de Badr. Wa akthar min 20 minhum, yani akthar min al-thuluth alladhina ahadu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa bay'u an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, akthar min al-thuluth saqatu shuhada' difa'an 'an rasulillah sallallahu alayhi wa sallam aw 'an al-islam fi 'ahd al-khulafa' ar-rashidin min ba'dihi. Et plus de 20 personnes parmi les 70 qui étaient présents pendant cette nuit d'Al-Aqaba. Plus de 20 personnes, ça veut dire à peu près le tiers de ces gens sont tombés morts comme martyrs pour défendre le messager de Dieu, prière et sagesse sur lui, ou pour défendre l'islam pendant l'époque des califes après le décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa shahida lahum Allah bi qawlihi. Et Dieu a témoigné de leur sincérité dans un verset coranique. Shahid Allah bi ikhlasihim wa sidqihim fi ayatin karima min al-mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadu Allah alayhi faminhum man qada nahbahu minhum man mat shahidan faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantadhir wa minhum man la zala yantadhir al-maut la zala hayyan وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا مَا بَدَّلُوا الْعَهْدِ الَّذِي أَعْطَوْهُ لِلَّهِ وَلِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ هكذا يمدح الله الأنصار في بيعتهم بيعة العقبة الثانية. Dieu dit dans un verset coranique, parmi les croyants se trouvent des hommes qui ont tenu loyalement leur engagement vis-à-vis de Dieu. Il en est parmi eux qui ont atteint leur fin inéluctable, c'est-à-dire la mort, et d'autres qui attendent encore. Ils n'ont apporté aucun changement, ça veut dire à leur engagement premier. وأحب النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار كما أحبوه. Et le prophète prière et sagesse a aimé les Ansar comme ils l'ont aimé. قال صلى الله عليه وسلم, il dit prière et sagesse, آية الإيمان حب الأنصار. Le signe de l'Iman, l'Iman, la foi, le signe de la foi est l'amour des Ansar. وآية النفاق بغض الأنصار. Et le signe de l'hypocrisie est la détestation des Ansars ou la haine contre les Ansars, muttafaqun alayh, unanimement authentique. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam, thalath marrat, et il a dit prière et sagesse à trois reprises. Walladhi nafsi biyadi, par celui qui tient mon âme dans sa main, innakum ahabbun nasi ilayhi, vous êtes les gens les plus aimés à moi ou que j'aime le plus. Il a répété ça trois fois, à trois reprises, unanimement authentique. Et lors de la maladie qui a précédé sa mort, prière et sagesse, il a tenu un discours aux gens dans sa mosquée, c'était le dernier discours, et leur dit, a dit à toute la foule présente, « Ousikum bil ansar » Ousikum bil ansar, je vous recommande du bien vis-à-vis des ansar. Fa'innahum karishi, fa'innahum ma'inati. Fa'innahum karishi wa aibati, yani mawdi' sirri wa amanati. Je vous recommande du bien vis-à-vis des ansar, parce que ce sont les gens de mon secret et ma confiance. Rawah al-Imam Bukhari, rapporté par l'Imam al-Bukhari. وكما كان الأنصار أوفياء في بيعتهم et exactement comme les Ansar étaient fidèles dans leur allégeance, كان النبي صلى الله عليه وسلم وفيا في عهده لهم. De la même manière, le messager de Dieu, prière et sagesse, était fidèle dans sa promesse qu'il leur a tenue. فبعد فتح مكة, après la conquête de la Mecque, لم يبقى في بلد الله الحرام. Il n'est pas resté dans le pays sacré de Dieu ou le pays saint de Dieu, c'est-à-dire la Mecque. بل عاد مع الأنصار إلى المدينة. Mais juste après la conquête, il est revenu vers Médine avec les Ansar. Il n'est pas resté dans sa ville natale. Maintenant, elle est conquise par l'islam. Il a laissé la ville qu'il aimait tant et il est parti pour être fidèle. Il est reparti avec les Ansar à Médine. وقد نال الأنصار شرف وفضل الحواريين أصحاب عيسى عليه السلام. Et les Ansar ont eu la noblesse, ont atteint la noblesse ou l'honneur ou le mérite réservé aux apôtres de Jésus, prière et salut sur lui. قال تعالى, Dieu dit dans un verset coranique, يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله. Ô vous qui avez cru, soyez les partisans, soyez les ansars, ceux qui m'ont défendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Soyez les partisans de Dieu, de même que Jésus, fils de Marie, a dit aux apôtres, qui sont mes partisans, qui sont mes ansars, dont la voix de Dieu, les apôtres dirent, nous sommes les ansars de Dieu, nous sommes les partisans de Dieu. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lamma kana yatlubu al-arab fi mawsim al-hajj, lorsque le messager de Dieu demandez aux Arabes pendant la saison du pèlerinage, man yuhwini, qui m'héberge, qui me prend vers son pays, man yamna'uni, qui me défend, man yansuruni. قال الأنصار, نحن نفعل ذلك. Les Ansar ont répondu, parmi tous les Arabes, nous on fait cela. كان الأنصار أوفياء لبيعتهم حتى في الظروف الصعبة. Les Ansar étaient fidèles à leur allégeance d'Al-Aqaba, même dans les conditions les plus difficiles, في غزوة حنين, pendant la bataille de Hunayn. 8 سنوات بعد البيعة, 8 ans après l'allégeance d'Al-Aqaba, هرب المسلمون أمام الهجوم المباغت للعدو. Les musulmans ont pris la fuite devant l'attaque surprenante des ennemis. وبقي النبي صلى الله عليه وسلم مع قليل مع عدد قليل وسط الأعداء. Et le prophète prière et s'ajoui est resté seul avec un petit nombre au milieu de la foule des ennemis, des associateurs. فنادى يا معشر الأنصار. Et le prophète prière et s'ajoui a appelé au groupe d'Ansar comme s'il leur rappelle leur allégeance de le défendre. يا معشر الأنصار كأنه يذكرهم البيعة التي بايعوه على أن ينصروه ويدافعوا عنه. يا معشر الأنصار au groupe d'Ansar فأجابوا. Ils ont répondu لبيك يا رسول الله. Soumission à toi messager de Dieu. وسعديك لبيك يا رسول الله وسعديك et bonheur à toi. Soumission à toi au messager de Dieu et bonheur à toi. نحن بين يديك nous voici entre tes mains. رواه البخاري rapporté par l'imam al-Bukhari. وحاربوا كالأسود. Ils ont combattu comme des lions. وتغيرت الهزيمة إلى نصر كبير. Et la défaite s'est transformée en une grande victoire. الملاحظة الثانية, la deuxième remarque. كثير من المسلمين يعرفون أسماء المهاجرين كأبي بكر وعمر رضي الله عنهما إلى آخره. Beaucoup de musulmans et musulmanes connaissent les noms des muhajirin, de ceux qui ont fait l'immigration de la Mecque vers Médine, qu'on appelle les muhajirin, comme Abu Bakr, comme Omar, que Dieu soit satisfait des deux, etc. ولكن قليل من المسلمين من يعرف أسماء الأنصار. Mais sont peu nombreux parmi les musulmans ceux qui connaissent les noms des Ansar et ceux qui connaissent leurs œuvres. Raison pour laquelle je vais donner quelques exemples, pas tous les exemples, mais quelques-uns. Quelques exemples des Ansar. Premièrement, Usayd ibn Hudayr, radiallahu anhu. Usayd, fils de Hudayr, que Dieu soit satisfait de lui. أسلم أمام مصعب. Il est devenu musulman devant مصعب. Il cherchait à tuer مصعب. Et lorsqu'il a écouté le Coran, il a jeté la lance, il a fait ses ablutions, il a dit j'atteste qu'il n'y a aucune divinité à part Allah et j'atteste que Muhammad est le messager de Dieu. Usayd, min sadat al-Madina. Usayd était l'un des dignitaires de Médine. Wa min nuqaba' al-Aqaba est l'un des 12 chefs. Al-Aqaba, l'allégeance d'Al-Aqaba. Là où sont tous jamil, il avait une belle voix. Qara al-Qur'an marra. Une fois, il a récité seul le Coran chez lui pendant la nuit. Falammantaha, lorsqu'il a fini sa récitation, rafa'a ra'sahu. Il a levé sa tête. Fara'a mithla al-dhull. Il a vu quelque chose qui ressemble à un petit nuage. فيها أمثال المصابيح. Et dans ce nuage, il y avait quelque chose qui ressemblait à des lampes allumées. فخرجت من البيت. Et ce nuage est sorti de sa maison. وسأل النبي صلى الله عليه وسلم. Et par la suite, il a interrogé le prophète prière et s'ajoui. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام. Et le messager de Dieu prière et s'ajoui lui dit. تلك الملائكة. C'était les anges. دانت لصوتي qui se sont rapprochés de toi pour ta voix coranique. ولو قرأت يعني حتى الصباح لأصبحت ينظر الناس إليها. Dans le cas où tu as continué ta récitation jusqu'au matin, les gens allaient voir les anges. متفق عليه unanimement authentique. خرج مرة وسيد يعني هذا صالح كبير من الصالحين. Il s'agit d'un grand vertueux. Depuis peu il est devenu musulman. Et regardez ce qu'il arrive à accomplir grâce à Dieu subhanahu wa ta'ala. خرج مرة وسيد ابن حضير وعباد ابن بشر رضي الله عنهما وهم من الأنصار من عند النبي صلى الله عليه وسلم بالليل. Une fois, Usayd, fils de Hudayr, et Abbad, fils de Bishr, deux Médinois, deux Ansars, sont sortis de la maison du prophète, prière et sage pendant la nuit. Il y avait une grande obscurité, on ne voyait rien pendant cette nuit. Il n'y avait pas les lampes dans les rues à l'époque. Et le bâton de l'un des deux s'est transformé en une lampe qui leur a éclairé le chemin. La ilaha illallah. Lorsqu'ils se sont séparés, lorsqu'ils se sont séparés, le bâton de chacun d'eux lui a éclairé le chemin jusqu'à sa maison. Rawah al-Imam al-Bukhari, rapporté par l'Imam al-Bukhari. Je vous donne un deuxième exemple. Sa'd ibn Mu'ad, radiallahu anhu. Sa'd, fils de Mu'ad, que Dieu soit satisfait de lui. أسلم أمام مصعب. Il s'est converti à l'islam devant مصعب. كانت عنده حربة يريد أن يقتل مصعب. لما سمع القرآن رمى الحرب وتوضأ وتشهد. Il cherchait à tuer مصعب avec sa lance. Lorsqu'il a entendu le Coran, il a jeté sa lance et il a fait les ablutions. Il s'est converti à l'islam. وهو السيد الكبير في قومه الأوس. Il était parmi les dirigeants. سعد était parmi les dirigeants des أوس. قبل غزوة بدر، avant la bataille de Badr, طلب النبي صلى الله عليه وسلم رأي الأنصار. Le prophète prière et saint souli cherchait à connaître l'avis des Ansar qui lui ont fait l'allégeance pour le défendre. Est-ce qu'ils sont d'accord pour faire cette bataille ou pas? فقال سعد رضي الله عنه. سعد, que Dieu soit satisfait de lui qui représentait les Ansar, dit: Ya رسول الله, ô messager de Dieu, امضي حيث شئت. Pars là où tu veux, vas-y là où tu veux. وخذ من أموالنا ما شئت, et prélève de nos fortunes, de nos biens, ce que tu veux. فوالذي بعثك بالحق, par celui qui t'a envoyé par la vérité, لو استعرضت بنا هذا البحر, si tu nous diriges vers cette mer, c'est-à-dire la mer rouge, فخذته, et tu la traverses, لخذناه معك, nous allons la traverser derrière toi, ما تخلف منا رجل واحد, sans qu'aucun homme ne s'abstienne. إنا لصبر في الحرب. Nous sommes des passions où nous avons une grande endurance pendant les guerres. صدقون في اللقاء, sincère pendant la rencontre, c'est-à-dire avec l'ennemi. لعل الله يريك منا ما تقر به عينك يا رسول الله. Peut-être pendant cette bataille, Dieu va te montrer de nous ce qui va rafraîchir ton œil. تسير بنا على بركة الله. Dirige-nous, c'est-à-dire vers cette bataille, avec la bénédiction de Dieu. Fasurra Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bi kalam Sa'd ibn Mu'ad radiallahu anhu. Et le prophète prière et saint est devenu tout heureux, tout joyeux après cette parole forte de Sa'd, fils de Mu'ad, que Dieu soit satisfait de lui. Lamma mata Sa'd ithra jurhihi fi ghazwat al-Khandaq. Après le décès de Sa'd, suite à une blessure pendant la bataille de l'Khandaq, il a été touché par une flèche venant de la part des associateurs. Mata darba usam, asaba usam min al-a'da. Qala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam. Juste après son décès, le prophète prière et sage lui dit: Ihtazza laha 'arshu ar-Rahman. Ihtazza li mawti Sa'd 'arshu ar-Rahman wa lam yahtazz li ahad. Muttafaqun alayh. La devant la mort de Sa'd, le trône du miséricordieux a tremblé. Et ça veut dire qu'il n'a jamais tremblé pour quelqu'un d'autre. Le trône du miséricordieux a tremblé après la mort de Sa'd, unanimement authentique. Al-Bukhari, Muslim et d'autres. ولما حملوه الى قبره, lorsqu'ils l'ont porté vers sa tombe, قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الملائكه كانت تحمله. رواه الامام الترمذي. Le prophète a dit prière et sage, c'était les anges qui le portaient, ça veut dire vers sa tombe, rapporté par l'imam al-Tirmidhi. Je vous donne un troisième exemple. مثال ثالث. عباد ابن بشر رضي الله عنه. عباد fils de بشر Could you so satisfy me? أسلم أمام مصعب. انظروا إلى عمل مصعب. انظروا إلى اختيار النبي صلى الله عليه وسلم لمصعب كي يكون سفيرا للإسلام في المدينة. انظروا ماذا أعطى هذا الاختيار من نجاح. عباد s'est converti à l'islam devant Moussab. Et là, j'ouvre une parenthèse pour dire, regardez la victoire de ce choix fait par Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a choisi Moussab, le jeune Moussab, pour être l'ambassadeur à Médine. Wa ada'at lahu 'asahu at-tariq. Et Abbad, lui aussi, son bâton, lui a éclairé le chemin pendant la nuit parce qu'il était avec Usayd, fils de Hudayr. قالت عائشة عائشة تجلس وسط سفيدال دي ثلاث من الأنصار لم يكن أحد يعتد عليهم فضلا trois parmi les أنصار personne ne les dépassait dans le mérite كلهم من بني عبد الأشهل كلهم من الأوس tous ils étaient parmi les fils de عبد الأشهل صديق parmi les أوسيتes سعد ابن معاذ سعد فيس دو معاذ وأسيد ابن حضير أسيد فيس دو حضير وعباد ابن بشر عباد فيس دو بشر قديس وسط سفين دو رواه البخاري رابورتي بار الإمام البخاري في غزوة ذات الرقاع pendant la bataille qui s'appelle ذات الرقاع انتدب رسول الله صلى الله عليه وسلم عباد بن بشر وعمار بن ياسر رضي الله عنهما le prophète prier et s'assoit a exhorté deux parmi ses compagnons, Abbad, fils de Bishr, et Ammar, fils de Yasir. Si vous vous rappelez de Ammar, fils de Yasir, qui a perdu son père et sa mère au début de l'islam, qui était tué, assassiné par les associateurs. Liyahrosan al-Muslimin, afin de surveiller pendant la nuit, de surveiller pendant la nuit les musulmans, de monter la garde. Fakhtara Ammar an yanama fi awwal al-layl. Ammar a choisi de dormir pendant le début de la nuit et de se réveiller pour surveiller à la fin de la nuit. Wa qama Abbad yusalli. Et Abbad se leva pour prier pour Dieu subhanahu wa ta'ala. Faja'a aduun min al-mushrikin. Un ennemi parmi les associateurs est venu. فرمى عبادا بسهم et il a visé عباد par une de ses flèches فنزع عباد السهم واتم صلاته et عباد a retiré la flèche et il a continué sa prière il n'a pas arrêté la prière il n'a pas annulé la prière لم يبطل صلاته لم يصرخ il n'a pas crié pour ne pas réveiller les musulmans et pour ne pas réveiller le messager de Dieu prière et sa'souri فرمى المشرك عبادا بسهم اخر Et l'associateur a visé Abbad avec une deuxième flèche. Il l'a retiré, il a continué sa prière. Et il l'a visé avec une troisième flèche. Et Abbad a retiré la flèche avec le sang qui coulait de son corps. Il s'est incliné, il a fait un recours et après il s'est prosterné au sajd. ثم أيقظ وسلم après il a fini sa prière وأيقظ صاحبه عمار et là il a réveillé son ami de surveillance عمار فلما رأى عمار الدماء قال له lorsque عمار a vu le sang qui coulait de son corps lui a dit سبحان الله gloire et pureté à Dieu هل أيقظتني أول ما رماك pourquoi tu ne m'as pas réveillé lorsqu'il t'a visé pour la première fois قال عباد عباد a répondu كنت في سورة. J'étais en train de réciter un chapitre coranique. فكرهت أن أقطعها. Et j'ai détesté de l'arrêter. J'ai voulu finir mon chapitre coranique. أعطيكم مثال آخر. Je vous donne un autre exemple. هؤلاء هم الأنصار. Tels sont les أنصار. خبيب ابن عدي رضي الله عنه. خبيب fils de عدي que Dieu soit satisfait de lui. وقع أسيرا عند مشركي مكة. Il est tombé prisonnier aux mains des associateurs mécois. Ils ont voulu le tuer. Il leur a demandé de le laisser faire deux unités de prière avant de l'assassiner. Après la prière, ils l'ont crucifié. Et Abu Sufyan s'approcha de lui pour lui dire أيسرك أن محمدا عندنا مكانك فنضرب عنقه وأنك موجود في أهلك معافى. Est-ce que tu aimes que Mohammed soit chez nous maintenant à ta place crucifié et on lui coupe la tête et toi tu es chez auprès de ta famille, tes proches épargnés. فقال خبيب إن قال نعم يطلقوه dans le cas où il répond oui ils vont le libérer. فقال خبيب رضي الله عنه خبيب que Dieu soit satisfait de lui dit لا والله que non par Dieu ما يسرني أني في أهلي وأن محمدا في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذي شوكة تؤذي ما أريد ذلك وأنا في أهلي. Je n'aime pas que je sois dans ma famille auprès de mes proches et que Mohammed, là où il se trouve maintenant, soit touché par une épine, une seule épine qui lui fait mal. فقتلوا. Ils l'ont tué. هذا هو حب الأنصار لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Tel est l'amour des Ansars pour le prophète صلى الله عليه وسلم. مثال خامس. Un cinquième exemple. Abu Talha رضي الله عنه. Abu Talha, que Dieu soit satisfait de lui. يحمي رسول الله صلى الله عليه وسلم بجسمه يوم غزوة أحد. Il a protégé le prophète prière et sa joie par son corps le jour de la bataille de Uhud. لما عرض الناس, lorsque les musulmans ont pris la fuite. وكان من أغنى الناس بالمدينة. Il faisait partie des plus grands riches de Médine, Abu Talha. فلما نزلت الآية, lorsqu'il y a eu la révélation de ce verset coranique, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. Jamais vous n'atteindrez la bienfaisance jusqu'à ce que vous dépensiez de ce que vous aimez. وكان أحب ماله بيرحا. Et le bien qui était le plus cher à lui, le plus aimé à lui, بيرحا. حديقة نخل أمام المسجد. حديقة كبيرة ممنوعة بالنخل أمام المسجد. Un grand parc de palmiers qui se trouvait face à la mosquée du prophète prière et sa joie. فجاء, il est venu, فقال يا رسول الله, il dit au messager de Dieu, إني إن أحب أموالي بيرحا. Le bien que j'aime le plus est بيرحا. وإنها لصدقة في سبيل الله. À partir d'aujourd'hui, بيرحا est une aumône dans la voie de Dieu. فقال صلى الله عليه وسلم, et le messager de Dieu dit, بخيم, ذلك مالنا رابح. ذلك مال رابح متفق عليه. Le prophète lui a dit, c'est une transaction gagnante, c'est une transaction gagnante, unanimement authentique. المثال السادس والأخير. والأمثلة كثيرة. Je vais vous donner maintenant le sixième et dernier exemple, et les exemples sont nombreux, les exemples bien sûr des Ansars. نسيبة, هذه مرة أعطي مثالا من النساء. Cette fois-ci, je vais donner un exemple de femme. نسيبة أم عمارة. نسيبة qui s'appelait أم عمارة, mère de عمارة. شاركت في بيعة العقبة. تذكرون كان سبعون وامرأة. Elle a participé à l'allégeance d'Al-Aqaba. Il y avait, on a dit un peu plus, 70 ou 73 hommes, il y avait une ou deux femmes. Parmi ces deux femmes, il y avait نسيبة. ووفت ببيعتها التي بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدفاع عنه. Elle a honoré, elle était fidèle dans son allégeance pour défendre le messager de Dieu, malgré qu'elle était une femme. شاركت في غزوة أحد. Elle a participé dans la bataille de Uhud. فلما هرب الناس, après la fuite des musulmans, وبقي النبي صلى الله عليه وسلم مع ناس قلائل, le prophète était resté avec un petit nombre de musulmans au milieu des mécréants, حملت السكر. نسيبة a pris l'épée. ودافعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم et a défendu le messager de Dieu, prière et sacrifice. يقول النبي عليه الصلاة والسلام, le prophète disait par la suite, ما التفت يمينا ولا شمالا يوم أحد إلا وأراها. Chaque fois que je me retournais à droite, chaque fois que je me retournais à gauche, le jour de la bataille de Uhud, je la voyais. Ça veut dire نسيبة تقاتل دوني, elle était en train de combattre pour me protéger. وجرحت 12 جرحا. Elle a eu 12 blessures. وداوت جراحها مدة سنة. Elle a soigné ses blessures pendant une année, c'est-à-dire des blessures graves. وشاركت كذلك في الحديبية. Elle a participé à الحديبية. وخيبر. Elle a participé à خيبر aussi. وحنين. Et à la bataille de حنين. وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنها حبيبا. Et à la fin de sa vie, ou vers la fin de sa vie, le prophète, prière et sa joie, a envoyé le fils de Nusayba, Hubayb, un jeune Hubayb, il a Musaylima al-Kaddab, vers Musaylima le menteur, qui a prétendu être un prophète, un deuxième prophète qui est venu à ce monde envoyé par Dieu. Et c'était un menteur. Musaylima al-Kaddab, الذي ادعى النبوة قال لهم أنا نبي ثاني مع النبي. Mohammed fi Mecca sallallahu alayhi wa sallam wa ana fi Yémen. Mohammed est le prophète de la Mecque et moi je suis le prophète du Yémen. Fa'arsala le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ilayhi Hubayb. Et le prophète lui a envoyé Hubayb avec un message. Fa'addaba Hubayban. Wa haram ta'dib al-rusul. Fi qanoun, fi al-qanoun dawli fi dhalika al-waqt. Et Musaylima a châtié Hubayb, et c'était interdit de châtier ou de punir le messager à l'époque, dans la loi qui gérait le monde à l'époque. Et il lui a dit, « Atashhadu anna Muhammadan Rasulullah ?» Musaylima lui dit, « Ya Hubayb, le fils de Nusayba, est-ce que tu attestes que Muhammad est l'envoyé de Dieu ?» Fa'ajaba Hubayb, radiyallahu anhu, « Na'am, sallallahu alayhi wa sallam. » Il a répondu, Hubayb a répondu, que Dieu soit satisfait de lui. Oui, prière et sagesse, c'est-à-dire c'est un prophète. Fayaqulu Musaylima lui dit, Atashhadu anni Rasul Allah. Est-ce que tu attestes de la même manière que je suis le messager de Dieu? Fayujibu Hubayb radiyallahu anhu. Et Hubayb, que Dieu soit satisfait de lui, a donné cette réponse, Ana asam la asma. Je suis sourd. Je n'entends pas. Fakarrara dhalika miraran. Il a répété la scène. Atashhadu anna Muhammad Rasulullah. Est-ce que tu attestes que Muhammad est le messager de Dieu? Naam. Oui. Atashhadu anni Rasulullah. Est-ce que tu attestes que je suis le messager de Dieu? Ana asam la asma. Je suis sourd. Je n'entends pas. Faqatta'ahu Musaylima udwan udwan. Hatta mata shahidan. Radiyallahu anhu. Et Musaylima l'a coupé morceau par morceaux, par petits morceaux, jusqu'au point qu'il est tombé, mort et martyr. Wa fi zamani Abi Bakr, à l'époque d'Abu Bakr, que Dieu soit satisfait de lui, arsala jayshan li Musaylim al-Kaddab. Abu Bakr, comme calife, a envoyé une armée pour combattre Musaylim al-Kaddab. Fasharakat fihi Musayba, radiyallahu anha. Et Musayba a participé avec cette armée, wa qatalat, elle a combattu, hatta intasara al-muslimun, jusqu'à la victoire des musulmans, wa qutila Musaylima, et Musaylima est tombé mort par les épées des musulmans, wa jurihat itna ashara jurhan, et de la même manière, elle a été blessée, 12 blessures, wa qutihat yaduha, et on lui a coupé la main, que Dieu soit satisfait d'elle, hada alladhi a'taytu al-yawm ka amthila yumathil qatra min bahr al-ansar. Ce que j'ai donné aujourd'hui comme exemple représente une goutte parmi la mer des Ansar. Haoula hum ar-rijal bal al-jibal alladhina ikhtarahum Allah li yakunu ansaran li rasulihi sallallahu alayhi wa sallam. Tels sont les hommes, ou plutôt les montagnes, que Dieu a choisi pour qu'ils soient des Ansar de son messager Muhammad, prière et sa joie. Wa ila hissatin qadima insha'Allah. Et à une autre séance prochaine si Dieu le veut. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa al-tuqa برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بلغ صلاتنا وسلامنا جميعا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم كما جمعتنا اليوم حول سيرته، اللهم اجعلنا ممن يتبع سنته. اللهم كما جمعتنا اليوم حول سيرته، اللهم اجمعنا حوله غدا يوم القيامة، وأشربنا من حوضه الكريم، وأدخلنا معه إلى الجنة، إنك على كل شيء قدير. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.